Daniel. L'aube se lève et il fait chaud déjà. Sur toutes les pentes exposées au midi des hautes collines de la Corrèze, les herbes, les buissons, les bois lourds de rosée commencent à fumer. C'est l'heure où les bêtes vont à la pâture. À mi-côte, plus près du Zerge que de Brive, une ferme s'éveille. Elle est longue, vieille, bâtie à l'endroit où les champs de maïs, d'avoine et de pommes de terre succèdent à la forêt des châtaigniers et l'entament avec leurs pointes. Plus bas, il y a des trèfles, des prairies et un torrent, puis de l'autre côté, une semblable colline qui se relève, vêtue d'herbes d'abord, puis de moissons, puis de grands arbres, et couronnée de roches nues. La vallée est profonde, et le bruit des eaux qui courent n'atteint pas les sommets. Devant la ferme, dans le soleil, un homme encore jeune attelle un cheval à une carriole. Sa femme l'aide à charger. Derrière le siège, une demi-douzaine de petits cochons de lait. Puis, tous les deux, ils se hissent dans la voiture. « Au revoir, le père. Ne nous espérez pas avant la nuit. » Les mots, en patois limousin, chantés sur un ton aigu, frappaient encore les vitres et le toit en ardoise d'Alaïac que déjà les voyageurs avaient pris le chemin qui tourne derrière la ferme et descend en lacet. Une porte s'ouvrit, tout au bout de la maison, à gauche, et une vache sortit, tendant son mufle à l'odeur d'herbe mouillée qui passait, une vache couleur de froment clair, puis une autre encore. Quand les sept bêtes du troupeau furent dehors, la vachère apparut sur le seuil. Elle est vêtue comme une pauvresse et chaussée de sabots, mais sous la coiffe limousine, aux deux ailes roulées, son visage avait gardé sa beauté religieuse, son reflet de la vie intérieure. Elle tenait à la main et laissait traîner sur le sol une baguette de frêne qui avait des feuilles au bout. Quand elle leva les yeux, ils regardèrent au-dessus de la colline d'en face. « Assieds-toi, Daniel, c'est pas trop tôt. De mon temps, les vachères montaient là-haut avant le soleil. »« Les vaches ne voulaient pas se laisser traire, » répondit Daniel. Elle ajouta, à demi détournée vers la maison, « Bonjour, grand-père, avez-vous dormi cette nuit ?»« Tu sais bien que non, je ne dors jamais bien. Quelle idée de me demander ça tous les matins !» Celui qui parlait ainsi était un vieillard dont on apercevait, dans l'ouverture d'une fenêtre étroite et haute, que la tête coiffée d'un bonnet de coton bleu, le cou et le haut du buste, tout velu entre les bords déboutonnés de la chemise et du gilet. La figure sèche, rasée, creusée, où ne vivaient que deux yeux durs dans des paupières saignantes, exprimait une rancune méditée et haineuse. Il reprit. « Mes enfants sont partis, tous deux. Tu les as vus? Ils descendent la côte. Eh oui, ça ne te fait rien, toi, de rester seul? Mais moi, je ne suis pas de même. Pauvre grand-père. Ne dis pas pauvre grand-père, c'est toi qui me prives de tout. C'est parce que tu es revenu de ton couvent que je suis délaissé à présent. Je suis dans la maison comme un harnais de rebut qu'on ne regarde seulement pas. Est-ce que je ne vous soigne pas? Quand tu n'étais pas là, ton frère avait encore de l'attention pour moi. Il m'emmenait dans les foires. J'allais boire avec lui. Il n'emmenait pas ma bru. Maintenant qu'il peut carioler sa femme à la ville, il faut que je reste. Dis donc le contraire. » Elle se taisait. « Quand tu n'étais pas là, la maison vivait mieux. Hélas, je le veux bien. Il me donnait de l'argent pour mon tabac. Il me rapportait des fois un chapeau ou une veste. À présent, plus rien. Je ne sais quand il remplacera mes sabots qui sont usés. Il me dit, faut que je nourrisse Daniel. Et moi, je te dis, il ne fallait pas revenir. Où aller? Fallait trouver une place. On n'a rien proposé. Fallait te marier, grand-père. Fallait pas revenir, pour nous priver tous. C'est vous qui m'avez rappelé. C'est le tort qu'on a eu. On croyait que tu rapporterais au moins l'argent. Quel argent? Les 300 francs de hard que je t'avais donnés quand tu es parti de chez nous. » Elle se remit à marcher hâtivement. « Adieu, grand-père, mes vaches sont déjà loin. Adieu !» Les reproches du vieux la suivirent un moment, puis le silence l'enveloppa. Elle montait une sorte d'avenue, entrée architecturale de forêt, large voie piétinée par les gens et les bêtes, bordée de châtaigniers, et qui barrait à 200 mètres de la ferme par d'autres grands vieux arbres, avait l'air d'une nef aux voûtes rompues, menant à des chapelles encore toutes pleines d'ombre. Daniel s'avançait dans la piste du milieu, forme élancée nette et sobre de mouvement. Elle songeait. Le jour était tout levé. Les vaches, couleur de blé, allaient devant, et ridaient leurs flancs attaqués par les mouches ou les fouettaient à coups de queue. Elles se mirent en file pour pénétrer sous bois, puis elles disparurent, refoulant avec leur poitrail les fougères nouvelles et cachée par les branches qui retombaient derrière elle et luisaient, immobile. Quelle maison différente de l'ancienne, Daniel avait retrouvée. Le père ni la mère n'étaient plus là depuis de longues années. Le grand-père avait vieilli à tel point que sa petite-fille ne le reconnaissait qu'avec peine. Usé, incapable de travail, aigri par l'insomnie et plus encore par le regret d'avoir, de son vivant, partagé tout son bien entre ses deux enfants, le père de Pierre qui dirigeait la ferme et l'oncle Jacques établi à 3 lieues de là dans la vallée, il ne cessait de récriminer contre sa vie recluse, dépendante et gênée. Peu écouté par son petit-fils et par la femme de celui-ci qui ne le craignait plus, il avait en Daniel une victime résignée. Il l'accablait de ses reproches. Il aurait voulu la faire partir afin de retrouver les petites douceurs, les menus cadeaux que ses enfants lui refusaient à présent sous prétexte que Daniel coûtait cher. Et tantôt il l'accusait de négligence et de mollesse, bien qu'elle fût la première levée et la dernière couchée tous les jours. Tantôt il se plaignait d'être privé de tout à cause d'elle. Il ne pouvait plus la voir sans qu'une espèce d'irritation maladive s'empara de lui et le fit déraisonner à moitié. Rien ne l'apaisait, ni les protestations, ni la patience, ni les attentions multipliées de Daniel. Il se sentait même soutenu hypocritement par le jeune ménage, par les maîtres actuels de la ferme, qui avaient bien voulu recevoir, pour quelques semaines, la religieuse sans asile, mais qui trouvaient que la générosité durait trop, qui redoutaient surtout que Daniel ne vînt un jour leur dire « Rendez-moi la part d'héritage à laquelle j'ai renoncé, parce que j'étais religieuse. Je reprends ma place ancienne dans la maison et je reprends mes droits. » Crainte chimérique, mais qui ne quittait pas l'esprit calculateur de Pierre et de sa femme. Daniel ne répondait rien. Elle acceptait d'être soupçonnée, méconnue, injuriée dans sa propre maison. Elle ne s'étonnait même pas, ayant souffert pour entrer au couvent, d'autres violences, en sens contraire de celles qu'elle souffrait à présent. Là, comme à l'école de la place Saint-Pontique, elle était la silencieuse, la mortifiée, qui saisit comme un bien l'épreuve quotidienne. Elle attendait l'heure, si l'heure devait venir jamais, où elle pourrait reprendre, dans un poste de maîtresse adjointe, comme sœur Léonide, une part de sa vocation, tout le reste étant mort avec la vie en commun. Depuis la séparation, Daniel avait reçu, de l'ancienne supérieure, plus de lettres qu'aucune autre des maîtresses de l'école. Elle était demeurée la confidente, la conseillère aussi. Elle savait, presque aussi bien que sœur Justine le savait elle-même, ce qui advenait à sœur Léonide, à sœur Edwige, à sœur Pascal, comme elle les nommait encore. Ces lettres que le facteur, irrégulièrement, apportait à la ferme, étaient pour Daniel l'événement, l'espoir, la consolation, et la cause également des plus profondes douleurs qu'elle eût jamais ressenties, car au milieu des souvenirs, des mots de tendresse et des récits qui la rassuraient sur le sort des compagnes exilées à Belfort, dans les montagnes de l'Ain et dans la vallée de la Loire, il y avait d'ordinaire un passage sur celle qui habitait Nîmes, et Daniel, tremblante depuis toujours pour cette âme très aimée, avait senti grandir chaque fois son inquiétude, puis sa peine, puis son ardente volonté d'être victime et d'expier. Oh, les cruelles lettres qu'elle serrait dans un petit coffret de bois, qu'elle cachait sous la paillasse du mauvais lit qu'elle occupait, lit de Bouvier suspendu dans les tables, accroché à une cloison de planches, au-dessus de la croupe des bœufs, des vaches et des chevaux. Les cruelles lettres dont elle savait par cœur des phrases et des phrases, et qu'elle méditait avec tant de compassion qu'il ne lui restait plus de larmes ni d'apitoiement pour elle-même. Quelle forte amitié l'agitait! Quel violent désir d'arracher au ciel le salut de Pascal! En ce moment surtout, depuis la lettre de la veille, et combien de fois, dans les clairières des sommets où elle gardait ses vaches, dans les solitudes brûlées par le soleil ou fouettées par la pluie ou le vent, Daniel avait prié, offrant sa vie à Dieu pour cette sœur lointaine et qu'il ne verrait plus. 12 août 1902. Que vous dirai-je à présent de notre plus jeune sœur? Je voudrais pouvoir vous rassurer sur le compte de celle que nous aimons toutes. Je ne le puis. J'ai reçu d'elle, voilà 5 jours, une lettre trop mondaine de ton pour ne pas être inquiétante. Pascal se loue, trop et trop fréquemment, de la manière dont on la traite dans sa famille de Nîmes. Il est évident qu'on la flatte, qu'on la gâte, qu'on l'amuse, et qu'on se sert pour l'entraîner, pour lui faire accepter tant de distractions peu convenables pour son état, de cette sensibilité excessive que nous tâchions de combattre en elle. Elle se sent déjà liée par la reconnaissance envers ces gens qui l'ont recueillie. mais que les motifs sont déplacés, vous allez la reconnaître. Elle m'écrit : Ne vous fâchez pas, notre mère, surtout ne me grondez pas. Je n'ai pas le droit de refuser quand je vois qu'en refusant je leur ferai de la peine. Ils sont si bons pour moi. Et cependant, à bien des signes, j'ai vu déjà qu'ils ne sont pas si riches que je le croyais. La robe que je porte, celle du vestiaire des expulsés, était trop chaude. C'est eux qui ont voulu l'acheter pour moi. Et de même, tout ce qui me sert, je le tiens d'eux. Ma tante ne résiste guère aux volontés de son fils quand il dit « J'ai organisé une partie de promenade, et vous en êtes, maman. Comment pourrais-je faire autrement que de suivre ? Il ne me demande presque pas de travail, il me trouve encore malade. Je n'ai pas engraissé, en effet, malgré le repos. Je tousse toujours un peu le matin. Si j'étais sûre que vous êtes contente de moi, que vous ne me désapprouvez pas, tout au moins je serais presque tranquille d'esprit, car l'être tout à fait, cela dépendait de vous, et je ne vous ai plus. » Ces lignes de notre Pascal suffiront pour vous faire partager mes inquiétudes, ma chère sœur Danielle. Je ne connais pas le milieu où elle vit, mais je suis sûr maintenant qu'il est pour elle détestable, et que de choses je devine qu'elle ne me dit pas, qu'elle me dira, j'espère, car je viens de le lui demander. Personne ici ne peut savoir mon angoisse, personne peut-être ne la comprendrait. Mon poitrinaire que je promène me dit quelquefois « À quoi pensez-vous » J'ai envie de crier « À mes quatre enfants, qui sont toutes quatre loin de moi. Adieu, adieu !» P.S. M. Tallier des Capis est mort. Ce brave homme, avec lequel je n'ai causé qu'une fois dans ma vie, m'a fait un legs. Je l'ai appris par une lettre d'un notaire qui met à ma disposition 3 000 francs. Si vous étiez en trop grande misère, prévenez-moi. 18 octobre. Croiriez-vous que je n'ai plus de nouvelles de Pascal depuis la fin de septembre ? Je suis terriblement inquiète. Est-elle plus malade ? Je n'ose pas formuler d'autres suppositions. Je lui ai adressé depuis lors 2 lettres, la seconde très pressante, toutes 2 très affectueuses. Aucune réponse. J'écris, malgré certaines répugnances, à la veuve Prayou. Elle ne m'a pas répondu. Je ne puis rester dans le doute. Je suis malheureuse. Conseillez-moi à votre tour. Voici ce que j'ai fait. Vous souvenez-vous que nous avons eu parmi les amis de notre école Louise Casal, dont la famille était originaire des environs de Nîmes, une anémie qui avait passé par la laïque et qui venait chez nous avec son cœur un peu prévenu, mais tout jeune et tout pur. J'ai demandé à Louise Casal, « Renseigne-moi. Trouve dans ton pays une parente, une amie discrète, qui me rassure ou qui me fasse de la peine, mais qui me dise ce qu'est devenu mon enfant. » Et j'attends encore, et je me repens, et je m'accuse, et je pleure, parce que j'ai permis trop légèrement, dans un jour de trouble, à cette pauvre petite Pascale de quitter mon ombre. J'aurais dû l'amener avec moi, coûte que coûte, dans la misère, au froid, au travail dur, à la mort, mais je l'aurais sauvée. Où est-elle ? Priez pour nous deux. 3 novembre. Ah, ma sœur Danielle, il faut que je revienne à vous. Je suis désemparée. Celle que nous aimons, celle qui n'avait contre elle que la faiblesse de son cœur, celle qui était accourue vers nous, celle que nous ne pouvons plus protéger. Je rougis de vous le dire, je ne peux tracer les mots, pourtant j'y suis obligé. Oh, ma sœur Danielle, elle s'est laissée tromper, elle a cru l'aimer, elle est tombée de près de Dieu. Je ne puis plus douter, j'ai tout appris hier par une parente de la petite Casal, une veuve Rioule qui habite Montory, c'est une des voisines. Elle ignorait le passé de notre enfant, mais elle a vu comment ils l'ont attirée. C'était si facile, elle venait si vite aux mots tendres, en lui témoignant une affection que Pascal a crue d'abord innocente. Comment ils l'ont flattée, amusée, liée aussi par leurs attentions et leurs cadeaux, jusqu'à ce qu'elle fût à leur merci. Ils ont été complices l'un de l'autre, ces 2 Prayou, gens tarés et redoutés. La mère n'est pas seulement incapable de résister aux pires volontés de son fils, elle a fait un calcul affreux. Elle a été une fausse protection. Elle a permis à la tentation de se développer toute. Elle savait que dans cet enfant qu'elle laissait corrompre, elle aurait bientôt une servante à laquelle tout chemin de retour serait fermé et qu'elle ne paierait pas. Pascal tombée, sœur Danielle, Pascal presque sainte, livrée aux bêtes, combien elle va souffrir, et combien plus que celle qui n'était point appelée. J'ai cru, toute la journée, l'entendre crier au secours. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? 8 novembre. Vous me dites, mais allez donc à elle, parlez-lui, arrachez-la. Croyez-vous donc que je n'y ai pas pensé tout de suite ? Est-ce que je serais une mère si je n'y avais pas pensé ? La veuve Rioux l'a déjà essayé timidement d'interroger Pascal et de la ramener, et elle a été repoussée. Mais elle n'est pas moi. Dès que j'ai connu l'affreuse nouvelle, voilà 6 jours, j'ai voulu prendre le train. J'ai couru jusqu'à la chambre de Madame de Rouanet pour demander la permission de partir. Je ne pouvais expliquer mes raisons, vous le devinez. Elle l'a pris nerveusement. Elle m'a dit « Si vous nous quittez, même pour un jour, je ne réponds plus de rien. Voilà 3 mois que vous êtes ici et vous me demandez déjà un congé. Monsieur de Rouanet va en profiter pour vous remercier. Et que deviendrai-je sans vous ?» J'allais dire « Je pars quand même. » Il y est entré, brusquement. Il écoutait. À la nouvelle que j'allais le quitter, il a eu une crise terrible. J'étais obligé de briser là l'entretien pour m'occuper de mon malade. Puis j'étais consulté. On m'a répondu « Vous abandonnez un devoir de charité certain pour une œuvre sûrement condamnée à l'insuccès. L'heure où l'on vous entendra n'est pas la première. Si elle doit venir, les sanglots l'annonceront et les cris. Attendez. » Et j'attends. Mais comment vivre dans ce tourment? Je ne pense plus ici. Je ne suis plus à moi. Je ne suis plus même à vous. Je me sens tout à elle qui est indigne. 22 novembre. J'ai reçu une nouvelle lettre de Nîmes. Hélas, pas de Pascal. Mais d'abord, pardonnez-moi. J'ai dit un mot trop dur. Indigne, oui, elle l'est. Mais, n'est-ce pas? Vous avez déjà songé à toutes les causes qui ont amené sa faute et qui diminuent son péché. Elle ne s'est pas jetée dans le mal. On l'y a précipité. Des lois iniques l'ont mise à la rue, l'ont ramenée de force au danger qu'elle avait fui. Elle a été le pauvre gibier que les chiens et les valets de chiens obligent à sortir du bois et rabattent vers les chasseurs. Elle est coupable, mais le juge qu'on n'abuse pas. Qui punira-t-il le plus, d'elle ou des autres? Moi, je vous le dis, ce seront les autres. Vous vous souvenez? Elle était crédule de cœur, émue de tout, reconnaissante ou troublée pour un regard, et ses praillous l'ont prise d'abord par cette faiblesse. Elle était sans mère, et elle a pu croire qu'elle retrouverait en eux une famille. Elle m'avait demandé la permission de vivre à Nîmes, et pendant un temps elle a pu se dire « j'obéis ». Sa fragilité a fait le reste. La pauvre Pascal avait à se défendre, d'ailleurs, contre un homme rompu à ses manèges autour des femmes, à ses jolis garçons, paraît-il, rusés, cruels, sous des dehors câlins, et qui parlait 100 fois mieux qu'un lyonnais. Elle était toute jeune aussi, et ils habitaient sous le même toit. Je ne vous répète pas les détails qu'on m'a racontés. Je n'en ai pas eu la force, et puis vous les connaissez. C'est l'histoire de tant de milliers d'autres. C'est la séduction commune et lamentable, avec ses prétextes honnêtes, avec ses troubles diffus, avec ses défaites momentanées, ses reprises et sa domination. Je ne vous apprendrai rien, à vous qui avez visité avec moi toute la misère des rues. L'affreuse chose, c'est de penser qu'il s'agit de Pascal et qu'il n'y a point d'Ormède en ce moment. Dimanche 18 janvier 1903. Il paraît qu'elle parle à peine, qu'elle est sombre et irritable, elle qui était de la joie vivante. Personne ne sait, dans le quartier de Montory, quelle créature bénie elle a été. Praillou s'est bien gardé de le révéler. Le scandale eût été trop grand, car c'est un de ceux que la foi obscurcie des incrédules ou des indifférents ne pardonne pas. On me dit aussi que Pascal est surveillé de près, qu'elle ne sort presque plus de sa maison, que le temps des promenades, des cadeaux et des parties de plaisir est depuis longtemps fini. Février. Le cercle se rétrécit de plus en plus autour de notre pauvre enfant. Praillou l'a déjà délaissée pour d'autres femmes. Elle est la servante de la mère, celle qui fait toute la besogne lourde de la maison et qu'on paye en mépris et qui use sa force en se taisant. Pas une larme, pas une confidence à ses voisins. Ah, si elle pouvait parler et appeler! Ne souffre-t-elle pas assez pour crier au secours? Ou plutôt, ne souffre-t-elle pas trop pour penser encore à cela? Qui me dira? Vendredi 27 mars 1903. Les voisins racontent qu'elle est souvent injuriée et battue par le misérable qui l'a séduite, mais l'heure ne vient pas. Cette veuve Rioux, voilà 4 jours, rencontrant Pascal dans la rue, lui a dit « Vous avez l'air malade. Quand ce serait? Qui cela regarde-t-il? Mais ceux qui vous veulent du bien, moi par exemple, et sœur Justine. » L'autre a pâli encore et elle a tourné la tête en répondant « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » D'autres fragments de lettres, pendant le printemps et au début de l'été, n'avaient apporté à Daniel que l'expression renouvelée de cette douleur vaine. Puis tout à coup, à cette fin de juillet, une lettre désespérée était venue de Belfort. La veille même de ce matin qui se levait, puissant et pur, sur les forêts de Corrèze, Daniel avait reçu 10 lignes écrites en toute hâte par sœur Justine et qui disaient « Je prends le train pour Nîmes. Je voudrais être rendu. Mon enfant ne m'a pas appelé, mais je sais qu'elle a pleuré, qu'on l'a réduite par la force aux dernières hontes, qu'elle n'est plus qu'une esclave et qu'une chose, et je veux la libérer. D'ici 2 jours, n'ayez eu de pensée de prière que pour nous deux. Justine. » Dans la forêt, derrière ses bêtes, Daniel continue de monter. Elle n'a pas besoin de faire effort pour se souvenir de la recommandation de sœur Justine. Aucune pensée ne la suit dans les solitudes où elle marche, si ce n'est celle du drame qui se passe loin d'elle, en ce moment, pour le salut ou la perte d'une âme aimée. La pente devient abrupte. Le sentier tourne parmi des pierres éboulées. Les arbres s'écartent et ne nouent plus leurs branches, et les plus vieux ont la tête fracassée par les orages. Daniel, se sentant seul avec Dieu, dans l'encens du matin, s'en bas, le regard en haut et les bras étendus, priant comme Jeanne de Domrémy, comme Germaine, comme Geneviève. Son amour se répand en supplications, et parfois, entre 2 châtaigniers géants, une crête de roche, exposée au midi, apparaît flamboyante, pareille à un autel.